J'ai vu un chien perplexe, une homme me montrer ses fesses. J'ai croisé Tintin sur la lune, il m'a raquetté de la thune. J'étais au pays des merveilles avec ma copine Alice, qui avait la carte vermeille. Mais je m'ennuie, oui je m'ennuie, je m'ennuie comme pas, oui.